20h30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. Voici des mois qu'il fouille sous la pluie, la neige et le vent, soulevant le voile du passé du Mans avec la ferveur des amants. Au chevet de sa cathédrale, il pratique désormais une archéologie monumentale dans une approche d'archéologie urbaine globale. Le Mans est aujourd'hui l'objet d'une des plus grandes fouilles d'archéologie urbaine sur le territoire national. Le magazine d'archéologie de France Culture ne pouvait que s'y rendre pour entrevoir remparts ou chapelles, ce qui sortait de terre. Stéphane Augry, de l'INRAP, m'a accueilli sur le terrain. Stéphane Augry, vous faites une archéologie du monumental ? Oui, en quelque sorte, puisque là, aujourd'hui, on se retrouve coincé entre le chevet de la cathédrale gothique, la fortification de la gare de Cent Ans, cette enceinte qui est méconnue des Manceaux, et derrière moi, l'enceinte romaine, qui est, elle, beaucoup plus connue. Et nous sommes bien sûr dans un lieu particulier où s'est opéré, je dirais, en permanence l'ostentatoire. L'élément le plus marquant dans le paysage, c'est le chevet gothique de la cathédrale, y compris même la cathédrale en elle-même. Quand on voit les photos aériennes de la ville du Mans, ou les cartographies, le monument est présent et s'installe dans la ville, ferme l'éperon de manière massive et conséquente. Alors vous faites de l'archéologie urbaine, donc en milieu urbain, très différent bien sûr de celle qu'on peut faire à la campagne. Toutefois, ce type d'archéologie monumentale, ça n'arrive pas tous les jours ? Bon, en faisant un rapide survol bibliographique au moment des phases de diagnostic sur les fondations de cathédrales, on s'aperçoit que on n'est pas nombreux à travailler sur le sujet aujourd'hui, hein, même au cours des 10 dernières années. Et surtout aussi en termes de surface et d'épaisseur stratigraphique. Le chantier, il fait 2500 m². En urbain, ça reste, somme toute, une belle opération. Et en stratigraphie, avec une accumulation de différentes époques, on arrive à 5 mètres d'épaisseur par endroit. Ce qui veut dire que là où je vous parle aujourd'hui, il y a 3 ans, 4 ans, quand on a fait les premières phases de diagnostic, on était 5 mètres plus haut, quoi. On est sur quelle époque, là, aujourd'hui ? On marche sur quoi ? Donc là, on est probablement sur des phases de remblaiement. Alors entre la fortification médiévale et le chantier de construction de la cathédrale gothique. Alors ça reste sur l'époque médiévale, mais il y a 100 ans de différence à peu près, puisque on est pour la construction de la cathédrale, du chevet de la cathédrale, dans les années 1220, et pour la fortification, qui est une phase ultérieure, donc construite, elle, on suppose, dans les années 1350. Alors nous sommes devant un des éléments très marquants de votre chantier, à savoir, ce n'est pas un mur, c'est un rempart, et un rempart romain. Alors exactement, on est sur un point crucial du chantier, puisqu'on est situé entre les vestiges d'une des tours romaines de l'enceinte et un élément de courtine. Alors il était plus ou moins connu, mais totalement enfoui jusqu'aux phases de diagnostic et jusqu'à la phase de fouille. La bonne surprise du chantier, c'est l'état de conservation des parements et des vestiges. Donc là, c'est vraiment assez émouvant et très spectaculaire aussi d'avoir de la maçonnerie qui date de l'époque romaine, qui a été recouverte probablement à l'époque médiévale ou peut-être pour une partie de manière un petit peu plus tardive. En tout cas, c'est la bonne surprise du chantier. Elle est construite comment, cette enceinte ? Une des particularités, donc, c'est l'usage des grès locaux, donc notamment le grès roussard. Donc c'est des petits moellons de grès roussard. Donc c'est un grès ferrugineux qui prend une couleur entre le rouge, avec l'oxydation, le noir. Et un décor, alors à la fois de briques, comme on peut avec des arases de briques, comme on peut retrouver sur d'autres enceintes, mais aussi une alternance avec de polychromie, avec des calcaires du coup de couleur blanche ou d'autres grès plus clairs. Et c'est pour ça qu'on retrouve dans les endroits de l'enceinte ces décors, donc soit des cercles pointés, donc un moellon noir entouré de moellons blancs qui dessinent des petites fleurs, soit des V, soit des chevrons, soit des X. Il y a une multitude de décors, sans qu'on sache pour l'instant pourquoi ou comment ça a été organisé? Est-ce que c'est une fantaisie des différentes équipes de maçons? Est-ce qu'il y avait un programme particulier en fonction des différentes faces? Ça, c'est un des sujets que j'aimerais creuser dans les mois à venir, puisque, bon, à nouveau, on parlait de ce chantier un peu exceptionnel. Quand je discute avec les collègues sur le fait qu'on se retrouve avec plus de 40 mètres linéaires d'enceinte, plus 3 tours dans l'emprise du chantier, ça reste quand même exceptionnel. J'ai soulevé juste la bâche. Donc on voit surtout du mortier qui lie donc des pierres qui sont d'ailleurs toutes taillées. Ça a été un travail gigantesque fait d'une volonté, je dirais, d'une volonté forte du pouvoir romain. Alors c'est exactement ça. Alors sur la méthode de construction, on a ce mortier rose caractéristique qui est vraiment uniquement en parement. Parfois on retrouve, quand il est bien conservé, comme à plusieurs endroits, les joints tirés au fer pour mettre en valeur et surligner ces moellons. À l'intérieur, puisque l'enceinte est par endroits dégradé, donc on a une vision, une coupe dans la maçonnerie, on peut voir les différentes journées de travail des ouvriers et comment le chantier a été mis en œuvre. On a aussi des ruptures dans les maçonneries où on comprend le travail en bande, en section des différentes équipes qui se rejoignent et aussi tout le travail que les concepteurs ont eu pour s'adapter au relief qui est aujourd'hui totalement gommé à travers une histoire séculaire, mais en réalité le relief était beaucoup plus marqué et par différents jeux on peut rattraper ce niveau et également faire que les arases de briques soient horizontales. On a également des traces d'échafaudage, donc les fameux trous de boulin. On a des marques de pose, on a accès au soubassement. Le gros dossier du chantier de construction de l'enceinte, c'est une des thématiques fortes du chantier, qui en appelle plein d'autres, comme par exemple l'authenticité du décor, puisque bon, comme cette enceinte est connue dès le 19e, notamment Camille Juan la cite dans ses œuvres, il y a une historiographie assez riche sur cette enceinte. Et la question qui se pose, c'est l'authenticité du décor. Est-ce que c'est pas au final un délire des architectes au 19e pour refaire ce décor? Bon, là, on a plusieurs éléments qui prouvent que non. Effectivement, voilà. En outre, sur d'autres chantiers, ce type de décor, comme c'est des matériaux locaux, même pour des périodes plus anciennes, donc dès le 1er siècle, on retrouve dans le territoire de la cité, sur des villas ou des temples ou autres, ce type de mise en œuvre. Donc c'est aussi une tradition locale. Quelle est la datation de cette muraille? Ça doit forcément poser des problèmes aux archéologues. On est sur des datations fin 3e, sur entre guillemets les invasions barbares, sur les choses comme ça. Donc on est fin 3e, mais c'est des critères stratigraphiques, peut-être un peu anciens, qui demandent à être revisités. On va également, dans le cadre du chantier, mais aussi plus largement dans le cadre de ce programme de recherche, tenter des datations absolues. Donc moi, évidemment, des choses assez faciles d'accès maintenant, le carbone 14, ou alors des datations thermoluminescence sur les mortiers, sur la terre cuite, enfin voilà, des choses un petit peu plus pointues. Et malgré tout, puisqu'on reste quand même sur un chantier d'archéologie et c'est les données du sous-sol, donc je ne désespère pas à certains endroits de trouver des arguments stratigraphiques et des arguments chronologiques concrets pour affiner ce chantier de construction qui, je déborde un peu, mais qui en fait est plus un chantier de déconstruction-reconstruction, puisqu'on sait très bien, ça a été observé alors un peu partout en Gaule, mais également ici au Mans, sur d'autres chantiers, la ville du Haut-Empire déborde largement de l'emprise de la ville du Bas-Empire. Et en fait, on crée en quelque sorte un glacis défensif. On déconstruit toute une partie des constructions existantes pour construire cette enceinte. Donc c'est ce chantier de déconstruction-construction qu'on va essayer de mieux appréhender. On l'a dit souvent, et face aux hypothétiques invasions barbares, ce rempart aura été construit dans l'urgence. Pour vous, il s'agit d'un chantier d'urgence ou tout au contraire l'affirmation d'un pouvoir fort? La réponse est dans la question. Là, c'est clairement, vu les décors, vu la mise en œuvre, vu toute cette question d'urgence est vite balayée. Surtout que, alors, c'est toujours délicat de comparer les choses, mais quand on regarde l'enceinte médiévale qui est mise en place au moment de la guerre de Cent Ans, là on est réellement dans un contexte d'urgence. On voit vraiment quelque chose qui est construit à la va-vite et de manière rapide par des équipes pas forcément spécialisées, avec un monument qui est, je pense, et c'est tout l'enjeu de la datation, puisque du coup, après, ça va renvoyer aux différents règnes des empereurs, à des périodes de stabilité ou pas, des pouvoirs de renforcement du pouvoir impérial ou alors du pouvoir municipal. Là, on déborde largement du chantier, voire même de mes compétences, mais en tout cas, c'est une question forte. Cette muraille, elle fait combien d'hectares ? Donc, elle englobe actuellement, c'est 9 hectares, ce qui englobe en gros la cité Plantagenêt, donc le cœur du Vieux Mans actuel. Et elle est dans son tracé, elle est relativement connue. Alors, elle est bien mise en valeur côté Sarthe, un peu moins jusqu'à présent côté Vallée de l'Isac, donc du côté de la cathédrale. Là, avec le chantier de valorisation de la mairie, cet aspect va un peu changer. On va vraiment, les vestiges vont être visibles par le grand public et ça va éclairer les choses sous un nouveau jour. Et par contre, les petits côtés, le tracé pose encore quelques questions. Et donc ça aussi, c'est des choses qui vont se poser dans un cadre du programme de recherche qui déborde largement du chantier. C'est quoi Le Mans durant l'Antiquité ? Une grande cité ? Donc c'est une capitale de cité, quoi. Donc c'est une grande ville. Alors on n'a pas la délimitation exacte de la ville du Haut-Empire, mais c'est quelque chose de relativement, en tout cas beaucoup plus grand que la ville du Bas-Empire qui est enserrée dans ce rempart du Bas-Empire. Toute la difficulté de l'approche pour la période romaine, c'est qu'on a à la fois une connaissance très pointue grâce aux fouilles des 30 dernières années, mais plutôt en périphérie dans cette vallée de l'Isac. Par contre, le cœur de ville, et heureusement en fait, a été préservé des différents parkings souterrains et autres aménagements qui font que en fait, le cœur de la cité, notamment la parure monumentale, alors on connaît l'emplacement d'un amphithéâtre, mais qui a été étudié au 18e, donc 19e, donc ça reste assez flou. Sinon, toute la parure monumentale, on se pose énormément de questions. Par contre, sur l'urbanisme, on a une bonne idée, grâce aux travaux de mes collègues là, Pierre Chevet et Martin Piton, sur le tracé des différentes voiries, et également sur l'aménagement en terrasse du relief dès l'époque tibérienne. Donc on a vraiment les premières phases d'urbanisation de la ville du Mans. Et c'est ça qui est aussi passionnant sur ce chantier aujourd'hui, c'est on voit vraiment tous les rythmes de l'évolution urbaine, à la fois ce qui déborde de cette enceinte romaine avant ou après, et ce qui va être plutôt en déprise. On s'interroge vraiment sur au-delà des aspects monumentaux sur la ville. À l'extérieur justement de ce rempart, j'ai souvenir qu'on avait trouvé un sanctuaire de source absolument exceptionnel. Exactement, donc c'est la fouille des théâtres des Jacobins qui est à une cinquantaine, même un peu moins de mètres de nous. Par contre avec un dénivelé puisqu'il était dans la vallée de l'Isac. Donc c'est les fouilles de mon collègue Pierre Chevet qui avait mis en évidence ce sanctuaire et aussi des traces très ancienne, puisqu'on est au tout début du changement d'air avec un four de potier, des traces d'habitat. Et ça, sur le Mans, ça reste relativement exceptionnel, puisqu'à nouveau, on s'interroge sur l'origine gauloise. Bon, pour l'instant, ça reste une question. France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier. On va franchir un mur. Ce mur-là, c'est quoi exactement ? C'est, j'imagine, assez tardif dans l'histoire du chantier. On est sur les fondations d'une salle capitulaire qui est construite au 15e siècle. Contrairement aux périodes les plus anciennes, on a la chance d'avoir des sources écrites qui nous aident un petit peu dans notre recherche. La particularité de ce mur, c'est qu'en fait, il a énormément de pierres de remploi dans sa fondation. Ce qui fait que, alors, il ne fait pas partie du projet final, donc on l'a fouillé. Ça aussi, c'est pas souvent qu'on fouille des fondations, surtout aussi massives. Et donc, on a pu sortir énormément, on doit être à 300 ou 400 éléments lapidaires, divers et variés, de à peu près toutes les périodes du Moyen-Âge. Il y a peut-être des pierres que je n'ai pas encore identifiées. Il y a des éléments de balustrade, des éléments de remplage, donc les nervures des fenêtres gothiques. On a, et surtout dans les pièces les plus intéressantes, on a un chapiteau qui appartient probablement à la cathédrale, donc sur les phases 12e, donc avec un style corinthien un peu simplifié, mais avec des feuilles d'eau. Et on voit actuellement les mêmes dans la nef. On a également des pierres, donc des éléments de sculptés assez fins avec des vignes, des petits anges. J'ai encore du mal à le replacer sur quel type d'architecture, mais ça promet un travail d'étude de longue haleine. Alors on va descendre ce mur, on va ensuite longer la cathédrale. On voit bien le niveau d'ailleurs, on est quoi, 2,50 m sous l'assise, c'est à peu près ça, hein? Oui, oui, exactement. Là, on est donc, puisque le projet, c'est de rétablir le niveau par rapport à la place du jet d'eau qui est attenante et de donner un accès au public, ce qui implique des décaissements assez lourds qui ont un intérêt patrimonial un petit peu moindre par rapport aux différentes maçonneries et qui, du coup, justifient aussi les choix de la municipalité. Donc, en tout cas, ce qui est intéressant là pour cette phase, c'est qu'on a accès aux... Alors, une partie de l'élévation de la cathédrale qui était masquée jusqu'à présent et aux premières assises de fondation. Donc ça va être aussi une occasion, puisqu'on a 4-5 assises de grands appareils qui étaient masquées jusqu'à présent et qui sont dans leur jus depuis un certain temps et qui n'ont pas été dénaturées comme les parties supérieures qui a connu de nombreuses restaurations et qui va nous permettre de nous interroger sur ce chantier de construction du chevet gothique. Donc, création 1220, c'est bien ça ? Plus précisément, 1217, puisqu'on a une lettre de Philippe Auguste qui donne l'autorisation à la reine Bérengère et aux chanoines de la cathédrale de construire ce chevet gothique. Ce n'est pas anodin, puisqu'il déborde du mur de ville, qui est toujours le mur antique, qui sert tout au long du Moyen-Âge, qui sert de mur de défense. Donc, on est plutôt dans une période prospère et de tranquillité, donc on peut se passer de la fortification. Est-ce que justement la cathédrale ou d'autres bâtiments réutilisent ce mur romain ? Alors c'est extrêmement complexe, puisque la cathédrale prosaïquement s'installe sur le mur, on le voit. On sait également que avec l'apparition du paysage chrétien, alors on a la chance sur le Mans d'avoir des textes anciens, des sources relativement précoces, parce qu'on a des évêques dès le 8e siècle. Donc on sait que la tour Saint-Michel devant laquelle nous étions est réutilisée en oratoire de manière très précoce. Par ailleurs, tout autour de la ville, on a des tours de l'enceinte romaine qu'on ne voit pas, qui sont englobées par une adaptation. En gros, c'est l'adaptation à l'artillerie ou au début de l'artillerie. On est sur soit des éléments de la guerre de Cent Ans, soit... C'est pourquoi il y a aussi ce programme de recherche autour de l'enceinte antique qui ne se focalise pas sur la période antique. L'idée, c'est vraiment de l'étudier dans la longue durée et de comprendre comment elle a pu être adaptée à la fois pour les côtés religion avec les transformations en oratoire, à la fois sur les aspects militaires, à la fois sur les aspects civils. On a des maisons de chanoines qui s'installent dans des tours de l'enceinte. C'est une des parties peut-être les plus passionnantes, du point de vue personnel, c'est l'évolution de cette enceinte à travers le temps. On va monter sur une berne, passer une petite barrière, on se rapproche d'une pelle mécanique et on va s'arrêter devant ce mur. Ce mur, c'est de nouveau un rempart. Exactement. Là, on fait un bond dans le temps. On arrive au tout début de la guerre de Cent Ans, dans les années 1350. Or, dans le Maine, comme un peu partout, mais en particulier dans le Maine, ça devient très très compliqué dans les campagnes. Il y a des raids anglais, il y a des campagnes qui sont dévastées, il y a différentes prises de places fortes par les Anglais. Donc là, il devient urgent de défendre la ville. Donc on construit une espèce d'éperon qui défend le chevet gothique de la cathédrale et qui vient se greffer sur l'ancienne fortification romaine. Du coup, on est vraiment au sein de l'emprise du chantier avec... une tour circulaire sur laquelle vient se greffer deux courtines. Alors là, ce qui est très intéressant, c'est que par le chantier, on a pu remonter un petit peu le fil et comprendre toute la mise en œuvre du chantier de construction, même si j'ai encore quelques pistes à creuser. Donc on sait que la tour a probablement été édifiée en premier par une première équipe peut-être plus spécialisée parce qu'elle a une architecture complexe avec notamment un escalier intramural et deux courtines qui file avec là peut-être des équipes plus des tâcherons ou alors des gens réquisitionnés en urgence parce que là pour le coup le mur est vraiment construit un peu de briques et de brocs avec probablement des pierres de remploi qui proviennent des maisons qui sont sur la place à côté, enfin une place publique aujourd'hui mais qui était un quartier d'habitation qui a été rasé pour des questions défensives et ces pierres sont réutilisées dans la maçonnerie. On voit bien toutes les journées de travail, toute la mise en œuvre en urgence. Le mur, il est construit comme un mur terrasse, c'est-à-dire que côté extérieur, il est visible. Du côté du chevet gothique, il est masqué par de la terre et il est aussi construit en charge, c'est-à-dire qu'il est construit dans les remblais. Alors ces remblais, c'est là le côté un petit peu qui nous a fait sourire, c'est la stratigraphie inversée, c'est-à-dire que comme ils ont creusé un grand fossé défensif qui fonctionne avec cette enceinte, ils ont rabattu les terres côté cathédrale, et ce qui explique qu'on a des couches qui ont un pondage très très marqué, et des couches archéologiques remaniées mais inversées. Et donc c'est pour ça que d'un côté on a des couches archéologiques, et que la dernière séquence correspond au sable qui a été creusé au fond du fossé. Dans cet ensemble, qui est très coloré, on creuse une tranchée de fondation du mur et on construit le mur par la suite. Et enfin, on rajoute des remblais par-dessus tout ça. Donc si je comprends bien, plus on s'enfonce, plus c'est récent. Exactement. Donc c'est pas véritablement un piège de la chronologie, puisqu'on est déremblé et puis on s'est resté humble. Et on se méfie et puis on avait compris assez vite, dès les premières phases de diagnostic, ce qui se passait. On va aller juste de ce côté-là, donc pour continuer à voir la stratigraphie. On se rapproche bien sûr de la cathédrale, et là donc, dans les niveaux, sont pincés des blocs de pierre. À quoi ça correspond ? Alors le bloc de pierre correspond à une phase... Alors je ne sais pas si c'est de l'assainissement, puisqu'on est sur des remblais relativement secs, donc peut-être du drainage. En tout cas, ce qui nous a permis d'identifier la fonction d'une des couches, c'est clairement les couches de mortier qui sont gâchées à la base des contreforts. On est sur des aires de travail qui correspondent au chantier de construction de la cathédrale. Ça, vous allez les étudier, ça va vous apporter des informations donc sur le chantier même de la cathédrale, donc en 1217. Exactement. Donc l'idée, un des points forts, ça va être l'étude des mortiers en place. On va aussi regarder les différentes zones de mortiers. On va chercher les traces de... Est-ce qu'il y a des traces d'échafaudage à un moment? Est-ce qu'il n'y a pas des ancrages? On va chercher les traces éventuellement des machines de levage. On va essayer aussi d'affiner la chronologie. On sait par les textes que le chantier dure 70 ans. Alors sur quelle phase? Sur la vraie complexité du dossier, c'est que dès qu'on commence à regarder, on est obligé de lever la tête. C'est pour ça qu'on revient à la question du début, c'est l'archéologie monumentale, et le dossier du chevet gothique, c'est déjà un point, mais alors le dossier de la cathédrale du Mans est énorme. Je sais qu'à Strasbourg, on avait trouvé donc le chantier d'édification de la cathédrale, on avait même trouvé des vitraux, donc des éléments de vitraux, ce genre de choses-là, ça pourrait être possible. Oui, on a notamment, oui, j'ai oublié de le mentionner, des petits éléments de plomb, donc qui proviennent soit du dessertage des vitraux, soit aussi la première toiture de la cathédrale gothique était entièrement en plomb. Donc on peut aussi avoir des choses comme ça. À côté de moi, on a une aire de gâchage de mortier. Bah, c'est aussi toute l'économie du chantier de construction qu'on va essayer de trouver des indices et de travailler. Alors contrairement à Strasbourg, pour l'instant, on n'a pas les déchets de taille. Après, parce que je me souviens de cette stratigraphie très imposante avec tous les déchets de taille. Voilà. Là, c'est des blocs... je pense qu'il arrive, y compris même ça me questionne sur, je pense que c'est toute une économie qui est préparée à l'avance, et les carrières sont identifiées par les collègues des monuments historiques, et tout ça doit provenir, c'est une production locale, et doit être préparée à l'avance, et ce qui explique l'absence de déchets taille, puisqu'on est sur des modules relativement homogènes, mais ça fait aussi partie des questions que je vais me poser, c'est ce soubassement, toutes les tailles des différents de ce grand appareil. Est-ce que c'est homogène ? Est-ce que voilà, il y a toute une série de mesures à prendre et d'études ? Donc là, on va monter sur une échelle qui n'est pas bien haute, 3 marches, et aller jusqu'au bout de votre chantier, passer devant, bien sûr, l'appel mécanique. On quitte la cathédrale. On est toujours coincé donc entre le rempart romain et le rempart... de la guerre de 100 ans, et là vous avez donc ouvert un autre secteur avec d'autres découvertes. Alors exactement, c'est la partie qui était la plus prometteuse, je l'avais senti au moment du diagnostic. Alors on n'est plus sur ces grandes phases de remblaiement, de mise en place de la fortification médiévale, on est aussi sur un secteur qui a été préservé par une terrasse artificielle, donc qui était 3-4 mètres plus haut que là où on est aujourd'hui, et qui a eu pour effet de sceller ces 500 mètres carrés de stratigraphie. Donc là, c'est moins monumental, moins spectaculaire, mais c'est tout aussi intéressant, puisque par endroit, on va voir toute la séquence depuis l'époque moderne jusqu'à la plus haute antiquité romaine, voire même jusqu'au substrat. Ce que vous avez trouvé, c'est une chapelle qui était encore totalement inconnue et qui appartiendrait au XIIIe siècle ? C'est une chapelle à contrefort rayonnant donc, qui a été en grande partie épierrée, donc on n'a plus que son plan en négatif. En tout cas, c'est la bonne surprise. Et ce qui est intéressant, c'est que elle s'inscrit dans l'histoire des lieux, puisque j'ai évoqué cette chapelle 13e et la plateforme qui existait. En fait, la plateforme reprend l'emplacement d'une chapelle postérieure au 16e siècle qui s'est installée sur la chapelle du 13e. Cette chapelle, évidemment, de manière un peu logique, plus les choses sont récentes, plus les documents d'archives sont nombreux et mieux le contexte historique est connu. Donc cette chapelle du XVIe siècle est bien documentée, au moins dans les sources écrites. On connaît son commanditaire, qui est le cardinal Philippe de Luxembourg, qui est un personnage haut placé et qui a visité l'Italie et qui, du coup, probablement a envie de se passer de cette chapelle un peu passée de mode et qui installe une grande chapelle de plan rectangulaire qu'on connaît par des gravures du XVIIe, mais qui a la particularité d'avoir une coupole, en fait, un petit peu comme à Vannes ou à Bayeux. La question qu'on se posait, c'était déjà son emplacement, son état de conservation. Donc on a retrouvé son emplacement. Son état de conservation n'est pas très bon, puisqu'elle est entièrement épierrée également. Ce qui est intéressant, c'est qu'en remploi un peu partout sur le site, on a retrouvé des pierres qui appartiennent probablement à cette chapelle. Donc on va pouvoir les étudier pour essayer de reconstituer une partie de l'architecture, valider ou invalider des hypothèses. Notamment, un des enjeux était de connaître la forme. Est-ce que véritablement cette chapelle, le sanctuaire, était sur coupole ou alors sur ogive? Le fait qu'on ait certains éléments d'architecture, et puis surtout en plan, on a des petits contreforts, plaiderait effectivement pour cette hypothèse de coupole, ce qui est plutôt intéressant, puisque ça serait un des premiers, voire le premier, dans le territoire à prendre cette forme. Vous avez aussi trouvé, on dirait, de la sculpture, du lapidaire. Oui, tout à fait. Donc on a des éléments de meneaux, des éléments du remplage. C'était pas trop attendu sur cette partie du chantier, donc j'étais un peu débordé par le nombre. Donc on a un peu inventorié comment fait le catalogue, mais j'ai pas encore eu trop le temps d'identifier toutes les pierres, voire même de voir avec les différents spécialistes, parce que je suis pas sûr de pouvoir tout reconnaître. C'est de la sculpture au XIIIe siècle ou XVIe siècle? Alors ça va être toute la question. À première vue, je l'avais associé à la chapelle 16e siècle, donc j'ai stocké mes pierres tranquillement, mais je n'avais pas encore découvert la chapelle 13e, donc il y a peut-être effectivement tout un travail à reprendre là-dessus, quoi. Et puis tout ça, je dirais, aurait une fin qui se finit vers 1792 et les biens nationaux? Oui, effectivement, le palais épiscopal est vendu. Et alors là-dessus, on n'a pas trop de textes, ni de sources, ni de devis comme parfois. Donc c'est un peu pauvre, malheureusement. En tout cas, tout ça est démantelé. Donc c'est toutes les tranchées d'épierrement et tout ce qu'on peut voir qui n'est pas très impressionnant, mais qui reste intéressant pour nous. Et qui a eu pour effet de créer cette plateforme qui, pour le coup, a préservé les vestiges anciens. Donc l'un dans l'autre, le démantèlement des chapelles a eu un effet positif, quoi. Hormis ces deux chapelles, hormis le lapidaire, vous avez aussi d'autres éléments, une sorte d'immense salle? Alors effectivement, ces chapelles, elles ne sont pas dans le vide. Elles sont en lien avec la cathédrale, mais surtout elles sont en lien avec le complexe épiscopal, avec le palais épiscopal. Et une des découvertes aussi qu'on avait pressenti au diagnostic, mais je n'avais pas mesuré l'importance d'une telle découverte, c'est effectivement une grande salle alors qui s'inscrit bien dans l'histoire des lieux, puisque les chapelles se raccordent dessus, les chapelles 13e et 16e, mais par contre un des murs est créé de toutes pièces et la cathédrale s'installe dessus, ce qui donne un argument chronologique. Donc elle commence à être relativement ancienne, en tout cas antérieure au 13e siècle. La suite de la fouille nous donnera peut-être de nouveaux arguments chronologiques. Et surtout le deuxième grand mur principal n'est autre que le mur d'enceinte romain qui est réutilisé. Donc c'est le deuxième gouttereau et qui donne en surface une salle de plus de 300 mètres carrés. Donc là, on est vraiment avec les chapelles et cette grande salle, on est dans la trilogie classique Camera, Capella, Aula. Donc la grande salle, c'est la Aula. À nouveau, il faut vraiment inscrire le chantier au-delà de l'archéologie monumentale et au-delà des découvertes d'objets qu'on peut faire et tout, dans la dynamique urbaine et sur la place de ce palais épiscopal, la place de l'évêque, qui est un des personnages majeurs du Moyen-Âge.